Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue et président d'égalité et réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, tout récemment, il y a quelques jours, le Parti socialiste a appelé dans un communiqué la France et l'Europe à reconnaître un État indépendant palestinien, tout en indiquant que le processus de paix se trouve actuellement dans une impasse dangereuse. S'agit-il, d'après vous, d'une évolution dans la position du Parti socialiste qui était plutôt, jusqu'à présent, pro-israélienne? Alors moi, je crois qu'il ne faut pas s'abuser. On sait très bien que le Parti socialiste est en réalité profondément sioniste dans sa haute hiérarchie. Et je pense que si aujourd'hui ils font cette déclaration, c'est qu'ils sont obligés de se soumettre à une pression, je dirais, de la base et à une pression populaire et générale, puisque les Français qui sont des républicains et des chrétiens sont excédés par l'attitude d'Israël et que nos dirigeants, bien qu'ils soient tous sionistes, sont obligés d'en tenir compte. Donc cette déclaration qui rejoint celle d'Obama et qui aura sans doute les mêmes effets, c'est-à-dire des effets à mon avis nuls, à mon avis ne vaut pas grand-chose. Par ailleurs, cette proposition de cette solution à deux États, je le dis clairement, est une escroquerie, puisqu'en réalité, les Israéliens ont tout fait géographiquement pour qu'un État palestinien ne puisse pas exister dans les faits, même s'il existait sur le papier, puisqu'il n'y a pas de continuité territoriale entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. On sait également que ça serait un État sans armée, sans souveraineté. Donc ça serait ce qu'on appelle en fait deux Bantoustans, hein, voilà, ce que l'Afrique du Sud appelait les Bantoustans, et qui a valu à l'Afrique du Sud d'être mise au banc des nations. Voilà. On sait que la seule solution possible et morale est en fait un seul État multiconfessionnel, parce qu'on ne voit pas pourquoi dans ce monde du XXe siècle et les valeurs qui sont universellement partagées, des gens aient le droit de faire un État racial théocratique qui s'appelle l'État juif, et où le critère effectivement serait effectivement l'appartenance, on va dire, ethno-confessionnelle. C'est interdit partout, on ne voit pas pourquoi les juifs y auraient droit. Donc la seule solution morale, honnête, est la solution, je dirais, comparable à celle du Liban, c'est-à-dire un seul État multiconfessionnel, et ça, effectivement, les sionistes n'en veulent pas, et la manière la plus subtile et la plus perverse de refuser cette seule solution morale et saine, effectivement, est la proposition de deux États séparés. Moi, je dis clairement que c'est peut-être la proposition la plus perverse, finalement, et la plus malhonnête, voilà. Comment expliquer cet appel du Parti socialiste dans l'état actuel de choses? Comme vous l'avez très bien remarqué, ce parti est profondément en fait marqué par un soutien en fait au régime israélien. Mais est-ce que cela résulte, d'après vous, d'un changement de rapport de force au sein du Parti socialiste? Ça résulte, comme M. Boniface l'avait déjà expliqué, avant qu'il soit d'ailleurs totalement marginalisé et chassé du Parti socialiste par M. Strauss-Kahn lui-même, et on sait ce qu'il est advenu de Strauss-Kahn depuis, qui est un agent israélien qui déclarait qu'il se levait chaque matin en se demandant ce qu'il pouvait faire pour Israël, alors qu'il prétendait à la magistrature suprême en France, ce qui est très inquiétant. Voilà, c'est à peu près la situation de notre pays, hein, de la France. Je pense que le Parti socialiste fait cette déclaration parce que l'opinion publique française est excédée par la réalité, enfin la situation qui fait qu'un État théocratico-militaire et racial impose sa loi au monde entier, notamment grâce au droit de veto des États-Unis, et qu'effectivement la France étant un pays profondément humaniste et les Français étant à la fois chrétiens et humanistes ne supportent plus ce soutien inconditionnel à Israël, et le Parti socialiste qui est totalement sioniste en fait dans ses élites est obligé d'en tenir compte, et c'est pour ça qu'ils font cette déclaration qui est du même niveau que la déclaration d'Obama et qui ne vaut rien, parce que la seule déclaration honnête, je le dis et je le répète, c'est la proposition d'un État multiconfessionnel, un seul État multiconfessionnel. Voilà, on ne voit pas pourquoi il y aurait un État théologico-racial qui serait l'État juif, puisque c'est l'État juif, c'est pas l'État d'Israël, il faut arrêter de mentir, il n'y a pas de citoyenneté israélienne, il y a une citoyenneté juive, et Israël est le pays des juifs, il n'est pas le pays des Israéliens, comme le rappelle bien Shlomo Sand, et on ne voit pas pourquoi il y aurait donc un État juif, et à côté, deux Bantoustans qui sont des ghettos géants de Palestiniens. Cette proposition deux États est une escroquerie intégrale et montre une fois de plus la malhonnêteté, à la fois la malhonnêteté du Parti socialiste et son malaise, voilà, effectivement, puisque la base des militants socialistes, qui sont les pires idiots utiles que la France ait jamais portés, effectivement, ne pourrait pas supporter, si elle le comprenait, que les élites du Parti socialiste sont sans doute les élites les plus sionistes de tous les partis de France, voilà. Alors, faisons dire, M. Soral, que le Parti socialiste a voulu viser, en quelque sorte, l'électorat français. l'électorat français est la base des socialistes qui sont des braves gens qui croient qu'ils appartiennent à un parti de gauche et qu'effectivement les élites sionistes du Parti socialiste sont obligées de faire ce genre de déclaration parce que ça gronde dans le peuple français et que ça gronde au niveau de leur base militante. Mais cette déclaration est de la poudre aux yeux et de l'escroquerie, comme je vous viens de le dire, et ne vaut rien. Tant qu'on ne proposera pas une solution, d'un seul État multiconfessionnel, on restera dans l'escroquerie de soi-disant de défense de la cause palestinienne ou de tentative de solution, puisqu'en fait, même M. Essel a déclaré, puisqu'en ce moment c'est une figure morale, M. Essel en France, qu'en fait les Israéliens ne voulaient pas la paix et ne voulaient pas de solution en réalité, et veulent gagner du temps. Et on sait très bien que si on regarde la carte, les parties blanches et les parties vertes, chaque jour qui passe rétrécit encore les territoires palestiniens, et chaque jour qui passe par la discontinuité totale des derniers espaces palestiniens interdit dans les faits et dans la pratique l'existence d'un État palestinien viable. Voilà.